Ouais, salut Globuster. Alors là, franchement, je suis en. Ouais, j'ai trouvé que le truc sur Evangeli, bah, ça a pas parlé d'Evangeli, quoi. Ça parlait d'Evangelion, quoi. Enfin, franchement, c'était. J'ai pas compris. Vous m'avez déçu, quoi. Sur ce coup-là, je suis. C'est pas mon avis qui compte, mais. Mais c'est comme ça. Bon, je vous aime quand même. Des bisous. C'est Graced. That's the Undertaker. I have a message for Blockbuster. Rest in peace. Écoute-moi bien, Sigrist. Au prochain WrestleMania, oui, au prochain WrestleMania, je vais t'écrabouiller, je vais t'écraser, je vais te faire des atémis, des coups de la corde à linge et t'envoyer par-dessus la troisième corde pour montrer au monde entier qu'il n'y a qu'un seul champion, WWE, c'est moi. To be or not to be, not to be. Ouais, de toute façon, le catch, c'est du chiquet. Ça m'a toujours fait sourire quand des gens qui prennent 3 jours d'ITT quand ils se cognent l'orteil contre un pied de lit disent ça du catch. Tu veux dire que cet homme qui vient de projeter à bout de bras un autre homme de plus de 100 kilos et qui ensuite fait un salto de 3 mètres de haut après avoir pris appui sur la troisième corde pour lui sauter dessus, a fait semblant? Personnellement, j'aurais tendance à penser que les catcheurs sont précisément ceux qui trichent le moins. Contrairement à nombre d'acteurs hollywoodiens, j'ai jamais vu un catcheur se faire remplacer par un cascadeur juste avant de se prendre un escalier en métal ou de tomber sur une table. Non, ils vont au bout du spectacle. Le catch a bien plus à voir avec l'art de la mise en scène d'un Buster Keaton ou d'un Charlie Chaplin qu'avec un simple sport de combat. Le catch, c'est une tragédie grecque avec son arène, ses règles, sa narration, ses coups de théâtre, son deux sexes machina. Le catch est même, selon moi, ce qui se rapproche le plus du monde politique. Des entrées spectaculaires sur une musique tonitruante qui rappelle certains meetings, des discours où on harangue une foule survoltée avec un charisme indéniable, des combats avec des adversaires avec lesquels on est peut-être amis en dehors du ring, un storytelling permanent où on est tour à tour le gentil, tour à tour le méchant. Sauf que dans le catch, à la différence des édiles, on se donne à 150% pour plaire au public. Non, le catcheur ne fait pas semblant, il est le plus sincère des acteurs, celui qui met du corps à l'ouvrage. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Oh, et pour ceux qui se demandaient s'il était encore en forme, eh bien, regardez-le, Dave Bautista est dans la meilleure forme de sa vie, mesdames et messieurs. Prévenez votre famille, prévenez vos amis. Voici l'homme qui a d'ores et déjà annoncé qu'il remporterait le Royal Rumble. Il a même été le premier homme à annoncer sa participation à la grande bataille royale de 30 superstars. Mesdames et messieurs, Dave Bautista, The Animal, est de retour. On peut se demander qu'est-ce qui relie le monde du catch à la pop culture. Eh bien tout, c'est aussi simple que ça. Il est de notoriété publique que les catcheurs, ces athlètes aux costumes bariolés et aux muscles saillants, ont jadis servi d'inspiration pour créer les Superman, Batman et autres Spider-Man. Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, Jesse Ventura, The Undertaker, The Rock, autant de noms que l'on ne serait pas étonné de retrouver dans un comic book. Pourtant, si le catch semble être une spécificité américaine, il ne faut pas oublier que ce type de spectacle reste très populaire au Japon, au Mexique, mais également en France et depuis très longtemps. Certains noms devraient d'ailleurs évoquer quelque chose aux plus âgés de nos auditeurs. L'Ange Blanc, André Drape, le Lion de Lorraine, le Bourreau de Béthune ou bien Lino Ventura, l'acteur culte de l'emmerdeur et des tontons flingueurs qui a démarré dans le monde du catch sous le nom de la fusée italienne. Toutes les époques ont eu leurs catcheurs de renom, et pour revenir sur ce milieu ô combien passionnant, j'ai avec moi Elmer Le Guenec, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Atlas Wrestling Club, anciennement connu comme le Bagarreur de Brest, Monsieur Violence et Elmer Le Guenec. Ouais. Mais très gentil comme ça. Oui, parce qu'on est, on est pas en situation de combat. Parfait, restons-en là, c'est parfait. Et également avec nous, Sturi, bonjour. Bonjour. Vous êtes vidéaste et streamer, ancien catcheur, scénariste et commentateur, et vous avez créé votre chaîne YouTube, C'est ça le catch. C'est exactement ça, et c'est un plaisir d'être à France Inter. C'est partagé. Avec nous, Delia, bonjour. Bonjour. Vous êtes catcheuse. C'est ça. Et à vos côtés, vous avez Ravage, qui est lui aussi catcheur. Salut. Ensemble, on va tenter de retracer l'histoire de cet art sportif et théâtral à la fois. Quelles sont les règles immuables du catch professionnel? Que faut-il pour devenir catcheur? Quel entraînement? Quel risque à prendre? Comment expliquer le succès et la fascination qui exerce cet art sur certains? On va évidemment parler des plus grands catcheurs d'hier et d'aujourd'hui. En gros, pendant plus d'une heure, on va vous démontrer que le catch, dans sa dramaturgie et dans sa pratique, c'est une sorte de représentation de la comédie française où les acteurs savent réciter leurs textes en faisant des saltos de la troisième corde. Et voici, entre dans les deux coins opposés du ring de la salle Wagram, Gilbert le Duc, que vous reconnaîtrez au fait qu'il est habillé normalement, et le bourreau de Béthune. Tout ceci est rouge. Rouge est le bourreau. Le rouge étant la couleur de ce liquide qui coule dans nos veines et dans nos artères. Le bourreau masqué, qui nous présente une musculature impeccable, un péplum de belle qualité, et le crâne de l'arbitre étant chauve comme il est de règle. Vous remarquerez que le crâne de l'arbitre se rapproche plus du crâne du bourreau de Béthune que de la tête chevelue de Gilbert le Duc, lequel Gilbert le Duc écoute de profil et maintenant de face et attentivement ce que vient de lui dire l'arbitre dans la langue internationale des catcheurs, c'est-à-dire une sorte de salmisgondi de français, d'anglais, de borborygme et d'éructation, tandis que Gilbert le Duc, après avoir rajusté son slip, attaque le bourreau. Cultissime Léon Zitrone qui faisait le commentaire du match du bourreau de Béthune contre Gilbert le Duc en 1959. Alors Sturi, je me tourne vers vous. Comment est né le catch? Il est né dans ce qu'on appelait à l'époque les baraques à lutte à la fin du 19e siècle. On a eu ensuite une démocratisation, je vais dire, de ces combats qui ont commencé à être truqués, où les promoteurs de catch avaient l'habitude de recruter en fait des catcheurs qu'on appelait des barreurs, et ils invitaient des gens dans le public à essayer de les défier, à essayer de les battre, en disant moi j'ai un homme fort, voilà, il va battre un autre homme, et au cas où, voilà, si quelqu'un se pointait, il pouvait donc. C'est-à-dire que si j'étais dans l'assemblée, je pouvais lever la main en disant moi je le prends. Ouais, à vos risques et périls. Je me faisais défoncer et puis je rentrais chez moi. Pour justement légitimer le fait que les combats déjà à l'époque étaient arrangés. Alors attention, ça s'est pas su tout de suite. Bien plus tard, après, on a une association justement de promoteurs qui s'est créée pour essayer d'organiser les combats, de se prêter les talents, de se les échanger, ce qui a créé par la suite aux États-Unis la National Wrestling Alliance, qui a couronné après ses premiers champions au début du 20e siècle. Et évidemment, c'est un effet qui s'est propagé à travers le monde entier. En France, on avait déjà le même système de baraque à lutte avec des lutteurs justement qui organisaient des combats un peu plus spectaculaires. Et puis, de notoriété, avec l'arrivée de la télévision, le catch a forcément eu sa place, surtout après la Seconde Guerre mondiale, et une popularité en tout cas très forte dans les années 50-60, qui fait que oui, aujourd'hui, le catch français est très très respecté à l'international pour cette période, et également très très inspirante pour le catch mondial. Et quelle est la distinction précise entre la lutte professionnelle et le catch tel qu'on le connaît aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment lié juste à la dimension de spectacle? Là, je vous pose la question à vous tous et toutes. En fait, le terme lutte professionnelle, le terme lutte professionnelle, c'est juste un terme utilisé dans 90% des pays qui pratiquent le catch, que ce soit au Japon avec le terme puroretsu, ça revient à de la lutte professionnelle, pro wrestling en Angleterre et aux États-Unis. C'est juste qu'en France, nous, on a utilisé l'expression catch as can, qui veut dire attrape-moi si tu peux, qui est une version un peu plus européenne finalement de la lutte professionnelle, qu'on appelle aujourd'hui aussi catch wrestling, et qui est propre à l'Angleterre beaucoup et à la France, qui était plus propre de, voilà, en termes de secteur, c'était plus l'Europe. Les États-Unis c'était vraiment barré pro wrestling, et voilà, mais c'est à peu de choses près, c'est la même chose. C'est juste des styles différents. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus dans le show, le spectacle. En France, on était beaucoup dans les cascades, les pirouettes. D'ailleurs, quand j'ai été m'entraîner au Mexique, l'un des premiers trucs que les Mexicains m'ont dit, c'est drôle qu'un Français vienne s'entraîner chez nous, alors que c'est quand même deux Français qui nous ont appris tout ce qu'on sait sur le catch. C'est ça. donc voilà. Il y avait une sorte de retour à l'envoyeur. Exactement. Et à quel moment la dimension de spectacle, justement, est devenue prédominante dans l'image que l'on a du catch? C'était surtout, je pense, à partir de 1985, où on a passé un cap en termes de catch spectacle avec la WWF, qui est désormais aujourd'hui WWE, lorsqu'il y a eu une espèce de connexion entre le catch et le monde de la pop culture. Le promoteur Vince McMahon, qui est actuellement toujours le multimillionnaire, patron, oui. Le multimillionnaire de WWE. Le sulfureux personnage. Tout à fait, très sulfureux. Il a créé cette connexion que d'autres promoteurs n'avaient pas fait aux États-Unis, à savoir des connexions avec notamment la chaîne MTV. C'est comme ça qu'on a eu Cyndi Lauper, on a eu beaucoup de personnalités en fait, du show business, de la chanson qui étaient présentes et qui ont justement mis encore un petit peu plus en lumière le catch. L'événement principal du premier WrestleMania, c'est un match par équipe où Hulk Hogan fait équipe avec Mr. T. Et tout de suite, en fait, ça prend une dimension qui est bien plus spectaculaire et qui va parler à tout le monde. Delia, comment vous avez découvert l'univers du catch ? Alors moi, j'étais, je pense, comme un peu tout le monde, fan quand j'étais petite. Donc, bien évidemment, la WWF, WWE. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à regarder... c'est de famille. Donc, c'est mon oncle qui m'a initiée quand j'étais en vacances. Et c'est vrai qu'une fois rentrée à la maison, je ratais plus les émissions, le vendredi soir, le mardi soir, peu importe. Et c'est vrai que ce côté spectacle lié au combat, lié aux paillettes... ça m'a beaucoup intriguée, ça m'a beaucoup intéressée. J'étais plus intéressée par les garçons, entre guillemets, on va dire. C'est vrai qu'à l'époque, les filles, au niveau WWE, c'était pas vraiment du combat. Oui. donc c'est vrai que voilà. Oui, la frontière avec la pin-up était ténue à ce moment-là. C'est vrai. Donc moi, c'était plus j'étais plus intéressée par les garçons. Et voilà, je trouvais ça incroyable les chutes qu'ils prenaient. Enfin, je me demandais en fait comment c'était possible d'en ressortir vivant carrément, parce que des fois. Je me pose toujours la question. Des fois, quand je regardais des matchs par exemple de Jeff Hardy, je devenais folle, je me disais mais attends, c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça a commencé. Et je ratais jamais aucun show, j'étais addict, on va dire. Et tout le monde me disait oh, c'est qu'une phase, t'es petite. Et déjà dans la maison, vous vous entraîniez Ah oui. Avec les coussins par terre, les copains, on l'a tous fait. Faut pas le faire, oui. Mais on l'a tous fait. On l'a tous fait. On a tous essayé une petite roulade par-ci, une petite roulade par-là, bien sûr. Un oui. Choc slam dans les sapins. Ouais. On sait. Une power bomb sur les planchers, quoi. Rava, justement, qu'est-ce qu'une power bomb ? Parce qu'il y a un langage vernaculaire très précis. Alors oui, effectivement, dans le catch, comme un peu dans tous les milieux, on a tout, on a le droit en fait à tous nos codes, à tous nos noms, et une power bomb, c'est un peu compliqué à décrire comme ça. C'est une projection en fait sur le dos de ton adversaire, ouais. Qui est à hauteur de ta tête. C'est l'adversaire est sur nos épaules et on le monte de manière un peu comme Batista justement, oui. Tout le monde a l'image de la Batista bombe, oui. Et à ça ou sinon il va y avoir le pop-up où on va juste le lever et le ramener au sol, mais c'est une des prises très très violente. Oui. Il faut imaginer qu'on fait à un être humain ce qu'on fait à une couette. Voilà, c'est ça. Voilà. Quelque sorte. Et alors, quel est le terreau social des catcheurs en général ? Parce que c'est un sport très populaire. Ouais. Est-ce que c'est également des gens issus des classes populaires qui se jettent dans la carrière de catcheur ou de catcheuse ? Ou est-ce que non, c'est vraiment des sportifs qui veulent une reconversion ? Quel moment ? Je pense que ça dépend de quel catch on parle. Quand c'est du catch indépendant, c'est des gens qui ont été fans de catch. Alors ça peut toucher toutes les classes de population. Ça peut être des gens un peu plus aisés, comme des gens issus de culture populaire. Moi-même, j'ai grandi aux Ulysses, d'origine bretonne, très forte. C'est pour ça que d'ailleurs mon personnage était le bagarreur de Brest pendant très longtemps. Voilà, c'est une culture très populaire. J'ai vécu en HLM, j'y vis encore. Enfin voilà. Mais il y a aussi des gens qui ont plus de moyens et qui font bouger les choses d'une autre manière. Je veux dire, il y a tout le monde à sa place dans le catch. Faut juste savoir la trouver. Il faut savoir aussi respecter le milieu dans lequel on est. Voilà. C'est pour ça qu'on peut toujours avoir cette mixité sociale en fait dans le milieu. Du moment qu'on respecte la discipline et qu'on fait avancer la chose. On est capable de se retrouver, même si on ne parle pas la même langue, même si on ne parle pas... Je me suis retrouvé dans des pays comme le Mexique, où je parlais à peine quelques mots d'espagnol, j'étais vraiment très mauvais. Je me suis retrouvé à monter des matchs avec des mecs qui parlaient japonais, je parlais pas un mot de japonais. Mais on a une seule langue en commun, c'est le catch. Et dès qu'on se met à parler de catch, suffit qu'on fasse un pop-pop, un tac-tac, et on se comprend. et on voit tout de suite où on veut en venir. Et c'est ça, en fait, la beauté du catch. J'ai fait beaucoup de pays, j'ai eu la chance de pas mal voyager en début de carrière, et j'ai parlé avec des gens que j'aurais même pas imaginé à essayer d'adresser la parole parce que la barrière de la langue est trop forte. Mais comme on a ce point commun avec le catch, ben on arrive à tisser des liens et à être très très amicaux, limite fraternels, alors qu'on s'est vu deux fois dans notre vie. Et Ravage, vous parliez de respect du milieu. Est-ce que ça veut dire que c'est un milieu qui a une règle ou une forme de déontologie qui lui est propre ? Il y a une règle. Pendant très longtemps, il y avait cette règle, justement, essayer de garder les secrets du catch, entre guillemets, de ne pas divulguer s'il y a des combats truqués ou comment on pouvait justement faire ces chutes-là, en fait. Parce que contrairement à beaucoup de sports de combat, entre guillemets, le catch, c'est quelque chose qu'on est censé pouvoir faire tout le long de l'année, quoi. Comparé par exemple à des combats de MMA où il y en a pour un combattant, il peut en faire 2 à 3 fois dans l'année. Max. Là, max en plus, un catcheur, ça doit se rendre disponible tous les week-ends pour une année. C'est un énorme sacrifice et pendant longtemps, on a justement appelé ça garder le kayfabe justement pour en gros garder les secrets et garder en fait toute l'identité autour d'un personnage, par exemple. Il y a quelque chose qu'on pourrait rapprocher un petit peu de l'univers des magiciens, notamment. Il y a justement ce côté-là qui... Et c'est un peu ça qui est formidable avec le catch, c'est justement il a cette mixité par rapport à plein de milieux qu'on connaît, par rapport à la magie, par rapport au théâtre, par rapport au cinéma. Et dans les premiers temps, en fait, on commence à s'entraîner, on commence à faire les premiers shows, on se rend compte vraiment de la frontière qu'on a avec... C'est la magie, en fait. Ouais, quoi. Moi, je compare souvent à de la magie, en effet. Parce que la magie, en fait, c'est toujours pareil. Si c'est bien fait, on sait très bien que le mec, il a pas coupé son assistante en deux. On sait très bien qu'il a pas spoiler. Il a pas fait disparaître la tour Eiffel. Mais quand c'est bien fait, on y croit. Le catch, c'est pareil. Je veux dire, que ce soit un fan de catch ou quelqu'un qui vient juste découvrir la discipline dans une salle, quand il vient dans une salle de catch, on est en 2021, il sait qu'il va pas voir un vrai combat avec deux mecs qui vont se foutre sur la gueule pour de vrai. Par contre, quand c'est bien fait, tu l'as dit toi-même, on se demande comment ils font pour tenir tout ce match. Et c'est ça, en fait, la beauté de ce sport, elle est là. C'est-à-dire que quand c'est bien fait, même quelqu'un qui peut être réfractaire à ça, il peut avoir la réaction de le petit retour en arrière. Ouh, là, il a dû se faire mal quand même. Oui. Voilà. Et ça c'est beau. C'est ça qui fonctionne. Par contre, c'est sûr que comme dans un tour de magie, quand c'est mal fait, on voit les fils. On voit que c'est cousu de fils blancs et du coup, ça nous sort du truc et après, on va pas aimer. Mais pour ma part, j'aime vraiment pas le terme truqué. Quand je parle d'un match de catch, je dis qu'il est scénarisé. Oui. On suit une trame. Maintenant, je peux vous assurer que Ravage est là. Il a déjà catché avec moi. Quand je mets une manchette. On la sent passer. Hein, on est d'accord ? Oui. On parle pas. Il y a Ravage qui se... Ouais. Il revit le truc. Hein. Le monde du catch est des fois trop petit pour contenir le charisme de ses athlètes. On peut retrouver des catcheurs au cinéma, en politique, mais des fois aussi en chanson. On écoute Wyclef Jean des Fugees et Dwayne Johnson, alias The Rock, avec It Doesn't Matter. Yo, this is The Rock kicking it with the refugee camp and you're about to smell what The Rock is cooking. Yo, this is strictly a club record dedicated to A-Right. Outside in the cold, when the FLEX was standing at the red zone, put it down. Them Italian mountains would not let me in. You know what I'm saying? Yo, yo, yo, I got 50 Bentleys in the West Indies. It doesn't matter. I got a pocket full of cheese and a garden full of trees. It doesn't matter. I just won the bingo, bought a crib in Rio. It doesn't matter. Cause if you ain't sharing, people ain't caring. Come up in the hood and they take everything you're wearing. Back in the days, it was all about the clubs. And so-called thugs used to dance the break for love. The girls, they wouldn't say hey, unless you bought them champagne like it was their birthday. Me, I used to stand outside, hustling my way in. I'm on the guest list plus 5. Who's performing tonight? He said, Shaba, it's the lover that be leaving the selector. Stop, yeah, jump, the rocks up in here. Disrespect MCs and catch a smack in your left ear. Light up like Vegas when it's time to gamble. Girls speak for me like I was part of the Beatles, but I'm not, honey. But I could be your Paul McCartney and Ebony or Ivory into my jacuzzi. Foundation like Cool Herc, a DJ Red Alert goes berserk. The needle ain't skipped, the record jerk, cause y'all jumping too hard. I got 50 Bentleys in the West Indies. It doesn't matter. I got a pocket full of cheese and a garden full of trees. It doesn't matter. What? I just won the bingo, bought a crib in Rio. It doesn't matter. Yo, cause if you ain't sharing, people ain't caring. Come up in the hood and they take everything you're wearing. Yo, Rock, I just bought a fresh Bentley. It doesn't matter if you just bought a fresh Bentley. How many of y'all ever been to a barbecue and you always gotta honor uncle wanna show you how the old dances go? And they started off like this, electric slide on the dance floor. Freaky deaky like Studio 54, girl, until the IRS raised it. Drug money get converted into music. The dope man becomes an entertainer. Leave that crack alone. I told the customer, I'm into bigger and better things, Mr. Fiend. You wanna hit, give me a guitar and a drum machine. And a crowd to scream loud when the bass thump. I can smell it in the air, the smell is skunk. Excuse me, I got a cough, girl. You wearing so much ice, you could freeze New York. Your man must really love you. What does he do for a living? He works on Wall Street, he's only home two nights a week. That's when she said a little too much conversation. Think she wanna indulge in lyrical masturbation. So I proceeded with the conversation. Said, can I offer you a glass of Merlot, Mrs. No Name? Let's get it straight, huh? My name's Veronica. She had to ask the size of South America. She said, ain't you that kid that's in Guantanamo that way before Ricky Martin sung Living La Vida Loca? What hood you come from? I was raised in Brooklyn, but did my studies in Jerusalem. The New Jerusalem, yep, that's short for New Jersey. Check my watch, it was 2:45. Slid through a crib when we opened the door. Her man was on the bottle, waiting for her with a 4-4. Now what it look like? It ain't really that. It doesn't matter. So he cocked the gat and my top hat. It doesn't matter. Are you crazy? You was married? Cause if you ain't sharing, people ain't caring. Come up in the hood and they take everything you wearing. Yeah, that's when Shorty walked up to a man. And she said, I gotta go, I can't be here no more. And she said this, take me home to the place I belong, with the refugee camp and above the basement. That's where I be. Come on. Yo, Rock, it doesn't matter how many records you sold. I'm with, yo, check it out. You wanna go get some diamond rings, man? It doesn't matter if The Rock wants to go get diamond rings or not. Man, listen, listen. I just got 2 new Grammys, man. It doesn't matter about your Grammys. It doesn't matter. Wyclef Jean et The Rock dans Blockbuster sur France Inter. That dream you have of defeating me at WrestleMania is just that. A dream. And I will soon lay it to rest. You see, Sean, you concern yourself with being the showstopper. You concern yourself with winning a match and breaking a streak. What you should concern yourself with is what I'm going to do to you physically. And even more importantly than that, Sean, what I'm gonna do to your soul. On vient d'entendre l'Undertaker. Voilà, l'Undertaker, c'est homme venu du monde des ténèbres, comme ça, qui m'a fait rêver pendant des années, et encore jusqu'il y a très récemment. Ouais. Voilà, l'Undertaker, qui est un personnage de catch absolument incroyable, qui a presque transcendé son médium d'origine. C'est exactement ça, et pourtant, ça part quand même d'une idée qui est très farfelue, mais qui est très dans l'esprit de WWF au début des années 90, à savoir, chaque catcheur doit incarner un personnage fort. Et là, on a un croque-mort, moitié mort, moitié vivant. On ne sait pas exactement qui est ce type, mais il impressionne. Il commence sa carrière en étant un méchant, il passe beaucoup de temps à étrangler ses adversaires. Puis, de manière assez organique, parce qu'il incarne le personnage tellement bien qu'il fascine les spectateurs, qui commence de plus en plus à être acclamé, à devenir véritablement une icône dans les années 90, sans avoir besoin pour autant de devenir le champion du monde. C'est devenu une attraction, et la WWF à l'époque avait besoin d'une nouvelle attraction pour succéder à Hulk Hogan, pour succéder également à André le Géant, notre fierté nationale. On a l'Undertaker qui a eu une carrière très très longue, et un personnage qu'il a sublimé avec le temps, alors qu'on part en effet de quelque chose d'un petit peu kitsch. Et pourtant, waouh. Oui, et puis moi je me souviens aussi de scénarios incroyables où son impresario le trahissait et lui volait l'urne avec ses pouvoirs pour le donner à son rival Kane, et du coup l'Undertaker arrivait tout amoindri sur le ring et tout, oh non, il a perdu ses pouvoirs. Et moi je me rappelle regarder tout ça et dire, oh, rendez-lui ses pouvoirs. La frontière entre la fiction et le réel était complètement, et pourtant je savais que c'était c'était scénarisé, mais l'Undertaker fait partie de ces rares personnages et de ces rares personnes à avoir tenu sa gimmick pendant plus de 20 ans, À aucun moment il ne l'a cassé, il est sorti de sa gimmick. À aucun moment il n'a fait voir qui était Mark Calaway. La personne derrière l'Undertaker. On l'a vu justement dans un documentaire après son dernier match qui a eu lieu l'année dernière. Non, en début d'année. C'était en début d'année, du coup. 2020, je crois. Ouais, non, c'était 2020, ouais. Donc, l'année dernière, où on fait un reportage sur lui, sur sa vie, là où il va nous donner ses ressentis sur ses derniers matchs, ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé, ce qu'il aurait aimé faire différemment. Mais en dehors de ça, on ne l'a jamais vu prendre la parole en dehors de l'Undertaker. C'est quelqu'un qui faisait, à chaque fois qu'il avait une sortie médiatique, il faisait attention à son look. S'il fallait qu'il se refasse une teinture, il se refaisait une teinture. Il a maîtrisé ses apparitions médiatiques de manière à ce que son personnage soit crédible du début à la fin. Et il a accepté de donner cette dernière interview en Mark Calaway justement pour clôturer le truc, dire c'est fini, l'Undertaker, c'est derrière moi. Alors on va revenir vraiment à la pratique du catch, et il est dit qu'un catcheur se fait mal mais ne se blesse pas. Delia, quel type d'entraînement vous devez subir au quotidien? Alors moi j'ai commencé les entraînements à la PC, donc qui est une école de catch en région parisienne à Nanterre. Mm-hmm. Donc c'est là-bas que j'ai commencé. Donc c'est une école qui est subventionnée. Il y a des aides d'État ou c'est vraiment que des promoteurs indépendants qui gèrent tout ça? Il me semble pas. Non, c'est un promoteur. Non, on a juste. Enfin, c'est le patron de la, oui, de la structure a de bonnes ententes avec la mairie de Nanterre. Donc, ils ont une place dans un gymnase avec un ring. Par contre, ils n'ont comme. Parce que, comme on ne dépend d'aucun ministère, on a à peu près le droit à rien. C'est ça. C'est-à-dire que vous rentrez ni dans le ministère du sport, ni dans le ministère de la culture. Non, et la grosse zone de flou, c'est que comme il n'y a aucune législation dessus, n'importe qui à l'époque pouvait ouvrir une structure. Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir une structure. Un ring, vous pouvez ouvrir une récolte. Mais même sans ring. Il y a beaucoup de structures qui ouvrent sans ring. Alors après, il y a les gens un peu plus méticuleux que les autres. Moi, j'ai acheté un ring avant d'ouvrir une structure dans ma ville parce qu'il n'y en a pas dans le coin de chez moi. Ça a été très compliqué parce qu'on tombe des fois sur des mairies qui sont totalement opposées. Et parce que c'est légal quand même d'ouvrir une école comme ça Parce que du coup, il y a quand même énormément de risques. En fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'il y a une assurance, après, c'est au bon vouloir de la mairie, s'ils donnent un espace pour pouvoir s'entraîner et tout, et après, ça va dépendre de la personne qui va encadrer. Donc c'est pour ça que quand on choisit une école de catch, le mieux c'est de se renseigner un minimum avant. Il y en a quelques-unes aujourd'hui en France. On va vite sur les pages de communauté fans de catch. En quelques clics, on peut vite avoir un premier jet de savoir quelle structure pourra bien nous encadrer ou non. Et c'est hyper important de le faire parce que des fois on peut tomber dans des structures qui se sont formées on ne sait comment avec des gens qui n'ont pas spécialement une bonne expérience ou ce genre de truc et qui vont pas spécialement bien encadrer. Et les risques sont réels. Et ça fonctionne de la même manière aux États-Unis? Non, je ne pense pas. Non. Il y a des commissions athlétiques qui. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Il y a des commissions athlétiques, justement, selon les États. Donc, c'est pas, en plus de ça, pareil selon les États aux États-Unis, mais il y a des commissions athlétiques qui régissent, justement, le fait qu'on s'entraîne avec, on va dire, les bonnes choses vis-à-vis du sport, c'est-à-dire les tests antidopage, ce genre de choses-là. Il y a également un visa de travail qui est recommandé aux États-Unis pour pouvoir exercer. En France, il y a beaucoup plus de liberté. Comme dans aussi beaucoup de pays d'Europe, c'est en train de changer petit à petit, cela dit, en Europe, mais le catch, en effet, depuis beaucoup d'années, depuis qu'il n'est plus autant sponsorisé aussi que dans les années 60-50, avec les fameuses tournées Ricard, ce genre de choses-là, on est sur ce statut vraiment bâtard. Oui. Oui, on est vraiment sur des toutes petites structures et donc vraiment, ceux qui se lancent là-dedans, c'est des passionnés. C'est avant toute chose des passionnés. C'est pas le meilleur des plans pour en faire son métier, je vais dire, d'avenir. Pour avoir de l'argent, c'est pas non plus le meilleur des plans. Quoi. Voilà, tout de suite. Pour avoir de l'argent, il faut pas être trop pressé. Mais cela dit, on va pas non plus fermer les yeux sur quelques beaux succès qu'on a en France. Oui. On a une lutteuse aujourd'hui qui est recrutée par WWE, qui est basé désormais en Angleterre et qui participe à toutes les émissions, c'est Amal, on la salue. On peut aussi féliciter quelques personnes aussi qui ont eu ce parcours international Je pense à Mila. Les derniers que j'ai vus là-bas, c'était Mila. Il y avait Tristan Archer. Ouais, bah ouais. Ils étaient sur les enregistrements. On les a vus lutter. On les a vus. Ils ont eu du temps d'antenne. On a aussi Artemis, je pense qu'on en parle pas assez, qui arbitre là-bas et qui était même qui là bon, pour le coup de mémoire avant Amal, qui était là depuis quasiment le début d'NXT UK. Donc on a une émulsion en France, ça commence à monter. Quand je parle aux Anglais, qui aujourd'hui ont leur propre division WWE, quand ils nous comparent il y a 10 ans, ils n'étaient pas au niveau où on est actuellement. Oui. Ils étaient beaucoup plus bas. Ça a explosé parce qu'après ils ont fait le travail nécessaire. Mais aujourd'hui il y a un gros intérêt, même de la part des Américains, sur le travail européen. Je pense que WWE aujourd'hui diffuse même sur son network des structures comme la VXV qui est allemande ou la Progress qui est anglaise, beaucoup de structures anglaises. Et donc du coup, les Américains commencent tranquillement à s'intéresser au catch européen. Et tout ça fait que même en France, du coup, il y a eu des répercussions. On commence à créer quelque chose. Je pense que depuis quelques années, ça a quand même pas mal bougé. On a réussi, je pense, à Westcatch qui avait fait des shows assez intéressants avec pas mal de monde, de très très bons retours, des étrangers qui avaient même l'air d'avoir passé un très bon temps. Il y a notamment aussi, on en parlait, l'APC qui est à Nanterre, qui fait des shows tous les 3 mois avec leur salle. Quand j'ai démarré, c'est très bien parce que moi, quand j'ai démarré, on était vraiment sur une période où il y avait que les habitués, entre guillemets, les gens du secteur qui venaient. Et progressivement, on a vu que de plus en plus de fans de catch se déplaçaient dans cette salle. Ils viennent de partout en France. Oui. On s'organise, on fait des covoiturages. On a une solide communauté qui essaye de se battre pour que le catch avance. Et un gros merci à tous ceux qui s'organisent là-dessus, parce que sans eux, on pourrait pas avancer. Et en ce moment, ils sont en train de faire en sorte qu'on puisse avancer dans le bon sens. Bon, après, il y a eu le Covid qui a beaucoup stoppé les choses. Mais ça va reprendre, je pense. Nous, on n'a pas arrêté de bosser pour autant. Et il y a d'autres choses qui vont arriver, qui vont peut-être remettre le catch un peu sur le devant de la scène. Mais quoi qu'il arrive, il faut que nous, on continue notre bon travail. Et justement, combien d'heures, c'est une estimation, mais combien d'heures il faut consacrer par jour ou dans sa semaine pour avoir un niveau décent en tant que catcheur? Moi, quand j'ai commencé, il y avait 4 entraînements par semaine à l'APC, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Des entraînements de combien de temps? Des entraînements de 3 heures, oui. C'est ça. Donc 4 entraînements par semaine, 3 heures par entraînement, où on fait beaucoup de cardio, beaucoup d'échauffement, c'est important. Où on revoit énormément beaucoup les bases, les chutes. Je pense que pour moi, c'est une des choses les plus importantes parce que on chute énormément, et si on ne sait pas chuter, on se blesse rapidement. Oui, puis il faut savoir chuter tout en accentuant le bruit de la chute aussi pour que ça ait l'air plus impressionnant. Après, ça, pas forcément, ça va aussi dépendre au niveau du poids. Moi, personnellement, je ne pèse pas beaucoup, donc forcément, quand je chute sur le ring, ça ne fait pas énormément de bruit, mais ça ne veut pas dire que ça fait moins mal. Ah oui, ça, que, on n'en doute voilà. pas. Oui. Donc, après, voilà, le bruit, moi je chute pour apprendre à chuter. D'accord. Et vraiment éviter de me blesser, mais après ouais, c'est beaucoup d'entraînement, et en dehors des entraînements de catch, il faut aussi aller à la salle de sport. Oui. Faut faire sa nutrition, quoi. Ouais, voilà, faut aller à la salle de sport. Donc il y a les 12 heures de catch, mais il y a aussi renforcement musculaire. Ah oui, bien sûr. Ce qui se passe, c'est que on peut pas faire, je pense, on peut pas bien faire du catch juste par passion. Dans le sens où il y en a beaucoup. Moi, je me rappelle à mes débuts, c'est non, mais moi, je suis juste un passionné. Je fais ça par passion, et au final, ça s'entraîne pas sérieusement. Ça suit pas une bonne diète, donc ça a pas une bonne shape sur le ring. Faut se rappeler que notre condition physique, c'est aussi un gage de respect envers le public qui a payé sa place. Je veux dire que quand les gars ils voient marquer le mot catch, ils veulent pas avoir l'impression que c'est leur pote de bistrot qui vient faire des roulades sur un ring. Donc il faut avoir une tenue, il faut avoir un minimum l'air sportif, il faut avoir un personnage intéressant. Enfin voilà, c'est un choix de vie. Je pense qu'une fois qu'on se lance là-dedans, on n'a pas la même vie que tout le monde. Parce que les week-ends, on va pas se reposer, on va être sur la route, on va louper des anniversaires, on va faire des fois on loupe des repas de famille parce que moi je suis en pleine diète et que je peux pas me le permettre. Ouais, enfin, ça a du bon le catch en fait. Voilà, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Pour réussir à devenir un bon catcheur, je pense qu'il faut avoir un goût du sacrifice assez important. Et c'est ça qui va faire la différence. Bonsoir Monsieur Chéreau, bonsoir à tous et bienvenue à Green Bay, Wisconsin. Chair de poule, the Huckster is back, mesdames et messieurs. WWE ne pouvait pas commencer mieux. L'immortel est de retour et Green Bay debout. Hulk Hogan est retour à la maison. Well, let me tell you something, brother. Laissez-moi vous dire un truc, les grands, les frangins. I just want to let everyone all around the world in the WWE universe, and especially as my witness right here in Green Bay, Wisconsin, brother. Je veux dire à tout le monde à travers le monde, dans l'univers de la WWE, et aux témoins présents ce soir à Green Bay. Aujourd'hui, c'est un tournant dans ma carrière. Je suis officiellement de retour à la maison. Le retour d'Hulk Hogan, une des grandes figures du catch connu mondialement. Et justement, j'en profite, est-ce que vous avez des icônes, des héros, à la fois dans le catch américain et même aussi dans le catch français, qui vous ont marqué et voilà, des gens que vous avez suivis pendant des années, vous avez collectionné les posters, parce qu'il y avait tout un merchandising aussi, les images Panini, etc. T-shirt et tout. Moi, j'ai deux noms qui me viennent comme ça, étant enfant des années 90, bercé un peu par l'attitude era de l'époque, et ça se ressent d'ailleurs, beaucoup m'en parlent, ça se ressent un peu dans ma façon de catcher, alors que j'ai toujours essayé de cultiver ma propre personnalité, mais on va dire que ce sont les choses qui m'ont inspiré, donc qu'ils reviennent naturellement. Ça a été Stone Cold Steve Austin pour tout ce côté un peu justement ce personnage bien, ouais. Complètement aux antipodes du face et du gentil, et qui pourtant fascine le public. Il avait tous les codes d'un gros méchant. Et comme oui. Il s'attaquait au patronat, tout le peuple s'est mis à l'aduler. Il y avait lui et il y a Triple H pour l'ensemble de sa carrière, pas que pour sa carrière de catcheur, mais pour tout ce qu'il a apporté au catch et tout ce qu'il continue d'apporter aujourd'hui. Ça a été vraiment mes deux grosses sources d'inspiration d'un point de vue personnel. Ça a été très touché quand il s'est mis en couple avec Stéphanie. c'est pas la chose qui m'a le plus marqué, on va dire, mais c'était mine de rien, dans son, c'est bizarre de dire ça, mais dans son projet de carrière, je pense que c'était le meilleur move à faire, parce qu'aujourd'hui il est patron d'NXT. On se souvient que scénaristiquement il l'a quand même drogué. Oui, il l'a quand même drogué et forcé à marier. Voilà, il l'a forcé à se marier. Hein, Oui, mais c'était dans les années 90, voilà, on acceptait des choses à la télé qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Oui. Et puis McMahon, ça a pas dû le choquer, lui. Non, justement. Lui, c'est, pour lui, c'était pas un scénario, c'était un mardi en fait. Ce genre d'histoire qu'on peut retrouver au Jerry Springer Show, c'est, il en était client, et à la fin des années 90, c'est ça aussi qui a fait l'énorme popularité du catch aux États-Unis, qui rassemblait chaque lundi soir entre les deux programmes qui se faisaient concurrence, parfois plus de 10 millions de téléspectateurs. C'est genre 10 millions. Énorme. Non, mais il faut le dire, pour la télévision française, c'est 10 millions de personnes regardaient le catch, quoi. Qui regardaient le catch en 98. Ouais. C'est incroyable. Et on avait des scénarios qui étaient véritablement hallucinants, et c'est ça aussi qui nous garde, je vais dire, aussi en haleine. C'est que le catch, on a oublié de le dire, c'est un petit peu comme cette série télé, qui ne s'arrête jamais. Ouais. Jamais. Voilà. Et c'est ça qui est bien. Ravage, oui. Une icône, un héros du catch que vous avez suivi, ou héroïne. Hein. Oui, non, moi j'avais beaucoup d'icônes, et ça a vraiment influencé un peu comme Elmer, beaucoup mon style. Ça a été tous les personnages comme Chris Jericho, Shawn Michaels, qui est un gros rival de l'Undertaker, l'Heartbreak Kid. Et c'est pas forcément... Avec cette chanson « You know I'm sexy ». Et il y avait énormément après de catcheurs que je suis même actuellement, qui eux, ils continuent en fait à m'influencer dans mon style, dans tout ce que je regarde. Et au-delà de ça, après, je suis un fervent... j'aime beaucoup en fait tout ce qui est vraiment vieux catch aussi, donc je vais chercher aussi dans tout ce qui est le vieux catch français, donc avec nos chers, comment s'appelle, Bob Plantin, comment il s'appelle, L'Ange Blanc, et André Ossimov, avec Balandré Géant, quoi. André Géant. Oui, qui lui est passé du catch français et puis voilà. Qui était même pas très connu en fait là-bas. Oui, mais il était hors norme. Il était hors norme, il était taillé pour les États-Unis en fait. Oui. Et c'est ce côté, justement, quand on parlait tout à l'heure pour l'Undertaker, c'était une attraction, en fait. C'était la première vraie grosse attraction qui a propulsé, en fait, le catch à la télévision. Il faut préciser aux auditeurs qui ne sauraient pas qui était André le Géant. C'était quelqu'un qui faisait plus de 200 kilos, de 2 mètres. Et qui avait des. En fait, sa prise, sa main était tellement grosse qu'il pouvait prendre la tête de ses adversaires. Et on voyait plus le visage tellement la main était grande. Ah, bah, une finition, c'était une claque. Hein, donc Il était vraiment impressionnant. Ça débordait de partout, quoi. Je veux dire, pour l'époque en plus. Aujourd'hui, on a l'habitude, il y a des grands basketteurs. Il y a beaucoup de gabarit. Mais à l'époque, un gabarit comme le sien. On n'en voyait pas deux. Et le fait que ce mec-là, bah déjà, il a essayé le catch en France, ça décollait pas parce qu'il était tellement grand, tellement qu'il pouvait pas s'exprimer. Donc oui. Il est parti aux États-Unis. Le ring était, je crois, un peu plus grand là-bas. Ouais. Les athlètes étaient quand même un peu plus grands parce que les catcheurs en France, c'était quoi? C'était 1m70-75. Ouais, on avait beaucoup de petits gabarits. Ouais, voilà, c'était beaucoup des petits gabarits. Ouais. Aux États-Unis, ils commençaient déjà à avoir des 1m90. Ouais, lui faisait 2m24, c'est ça? Ouais, lui faisait 3m12, hein, un truc comme ça. Oui, ça c'est la magie WWE. On retrouve des gars qui dans les circuits indépendants faisaient 1m70, ils passent à la WWE, ils font 1m85 pour 100 kilos. Ouais. avec André le Géant, c'était vraiment ça, c'était le fait qu'il soit vraiment gigantesque et d'un autre côté, il a laissé une très bonne marque dans les vestiaires parce que sans lui, il n'y aurait pas eu Hulk Hogan. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'Hulk Hogan, mais c'est André le Géant qui l'a propulsé. Et c'est là que c'est beau dans le catch, je trouve, parce que on a rendu iconique l'image où Hulk Hogan soulève André le Géant à WrestleMania 3. Et ils en ont fait, même encore aujourd'hui, on en fait des t-shirts et tout. C'est vraiment quelque chose comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, alors que sur tous les shows non télévisés de l'époque, ils le faisaient et on le marquait pas, quoi. C'est le storytelling de ce match-là a fait que quand on l'a fait ce soir-là, et ben encore aujourd'hui, on en parle. Et c'est encore l'un des WrestleMania où il y avait le plus de monde. C'était un truc de fou, mais. Pour vous donner un ordre d'impact d'André le Géant sur le catch américain, c'est que c'est de sa mort qu'a été créé le Hall of Fame, le temple de la renommée. Tous les plus grandes superstars aujourd'hui se battent pour pouvoir un jour être dedans. Il a été créé à sa mort, ça a été le premier intronisé et ça a été fait pour lui. Parce qu'il était tellement le. Sturi, est-ce qu'on peut resituer ce qu'est le WrestleMania? Parce qu'on le cite depuis tout à l'heure, mais pour ceux qui ne connaissent pas. WrestleMania, c'est la création de Vince McMahon, donc de la WWF, c'est-à-dire de créer un show de catch, un rendez-vous annuel pour le catch, avec un événement qui, pendant 35 ans, s'est déroulé sur une journée et qui, depuis 2 ans, se déroule désormais sur 2 journées, qui est tout simplement, en fait, voilà, le plus gros événement où on compare souvent au Super Bowl. Du catch, ouais, voilà, c'est un petit peu le gros événement où toutes les grandes rivalités, toutes les grandes attractions de WWE vont être présentes. C'est là où l'Undertaker va faire son combat une fois par an, voilà. C'est là où on va rappeler certaines légendes, c'est là où on va faire des confrontations un peu hors normes, et c'est surtout là où on va mettre le plus de dieux en fait sur le catch, parce que de manière assez coutumière, je pense, pour beaucoup de personnes qui ne suivent pas le catch de manière aussi assidue que je pense nous quatre autour, même nous cinq, hein, je vais intégrer Frédéric avec nous. Non, mais je ne suis qu'un humble amateur. Voilà, vraiment, là je sais que j'ai affaire à des experts. WrestleMania va être regardé, va être plus regardé que la norme. Et c'est le moment de briller, c'est le moment de mettre toutes les paillettes, c'est le moment d'offrir un énorme spectacle, et on a souvent un spectacle vraiment gigantesque. C'est là aussi qu'ils aiment beaucoup faire des débuts de nouvelles ères. Je me rappelle qu'il y a eu en WrestleMania 21, t'avais la victoire de Batista qui prenait le titre mondial à Triple H, je crois. Ouais, c'est ça. Et Cena qui prenait le titre à JBL, et on lançait la nouvelle génération qui étaient vraiment les deux fers de lance de cette génération. On lançait vraiment une nouvelle génération. Donc là, il y avait vague de fraîcheur. Il y a eu ça aussi il y a un an ou deux avec Roman et McIntyre qui ont fait ça. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment un tournant en général sur l'année. C'est un petit peu la fin d'une saison. La fin d'une saison, série, le voilà. Début d'une nouvelle. En général, il y a pas mal de surprises le soir de WrestleMania et le lendemain sur le show de Raw, parce que c'est le premier de la saison. Donc c'est vrai que cette période-là, aux États-Unis, il faut savoir que ça dure une semaine, qu'il n'y a pas que ces deux shows-là, il y a beaucoup de catch indépendants qui sont effectués. C'est un gros événement qui brasse des millions de personnes. Avant le Covid, il y avait vraiment des gens du monde entier qui venaient. Pendant une semaine, ils sont abreuvés de catch. Il y a du catch du matin au soir dans les petites salles, dans les grandes. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense même pas qu'on peut avoir une. Ça pourrait ressembler, par exemple, à un festival de musique. C'est comme un festival de musique. Oui. Ils peuvent découvrir plein de catcheurs. Le catcheur. Woodstock du catch. Quoi. Voilà, ouais, c'est voilà. Un peu le Woodstock du catch et ça a lieu tous les ans. Ils changent la localité tous les ans, mais c'est vraiment le gros truc, quoi. C'est le. Et Delia, on n'a pas entendu votre ou vos catcheurs favoris. Alors moi, c'est Jeff Hardy. Je sais que c'est la même chose pour beaucoup de personnes. Jeff Hardy, moi, c'est lui qui m'a donné envie de faire du catch. C'est lui qui m'a fait accrocher. Je le trouve incroyable. Pour moi, c'est Jeff Hardy. Après, c'est sûr que des catcheurs comme Chris Jericho, Shawn Michaels, l'Undertaker. Vraiment, c'est des icônes. On a qu'ils soient méchants, gentils, on a beau ne pas les aimer, on est obligé au final parce que voilà, c'est vraiment des icônes. Mais c'est vrai que pour moi, c'est Jeff Hardy. Mais après, Jeff Hardy, il avait ce côté en plus artiste, quoi, artiste, en fait, casse-cou. Oui, ouais. C'est ça. Puis à l'époque, il y avait les Jackass en plus, ce genre de choses. Il y avait les Hardy Boys avec Lita à la WWF quand ils ont commencé. C'était les trois, puis Lita qui se prenait des prises de malades, catchées généralement contre des garçons. Elle se faisait tout le temps attaquer. Pour moi, c'était c'est vraiment Jeff Hardy, Matt Hardy. Les Hardy Boys, c'était pour moi. Les Hardy Boys. Ouais, c'est ça. Et Sasha Banks qui revient avec ses terribles coups de genou. Elle demande à Bayley de se relever. Elle arrive, la championne de SmackDown. Double projection dans les cordes. Le double tour de hanche. Oh, on retient l'adversaire. Attention. Et vu la puissance avec laquelle elles l'ont projeté. Et Lacey Evans là qui n'en peut plus. Elle aussi. Ah, bah, elle va subir le même sort, non? Elle revient sur ses pieds. Elle revient sur ses pieds. L'esquive. Bayley qui est envoyée à l'extérieur du ring. Sasha Banks qui tente de tomber. Alors, ça fait plusieurs fois qu'elle essaye d'envoyer son coup de poing. Il y a eu changement. À chaque fois, il y a eu passé. Woman's right. C'est passé. Woman's right. À la troisième tentative. Sous le top pour Delia qui vient d'écraser Sasha, le tomber. Elle le prend. Elles ont battu Bayley et Sasha. Le catch féminin s'est énormément développé ces dernières années, mais il existe depuis très longtemps en fait en France. Il y a eu beaucoup de personnes, même aux États-Unis, surtout aux États-Unis d'ailleurs, de personnalités, de catcheuses féminins qui se sont fait connaître bien avant les divas actuelles. La première grande star du catch féminin, c'était Mildred Burke dans les années 50, qui était une catcheuse qui était capable également de lutter contre les hommes. Elle était très inspirante, physiquement très douée. Et le catch féminin a continué petit à petit de se démocratiser. Alors, j'ai pas de gros souvenirs de grosses choses mémorables pour le catch français féminin, malheureusement. Parce que tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les dossiers INA, c'est souvent du catch seins nus, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glorifiant. Mais pour les États-Unis, en tout cas, il y a eu un boom qui arrivait dans les années 80 et qui s'est stoppé quand Vince McMahon a décidé que le catch féminin était plus trop sa came. Au milieu des années 90. Il faut savoir, cela dit, que le catch féminin est très très important et a été incroyablement chaud bouillant au Japon. Au Japon, les années 80 et au début des années 90, avec ce qu'on appelle le Joshi Puro Resu, avec deux catcheuses, notamment Lioness Asuka et Shibuza Nagayo, qui formaient les Crush Girls et qui étaient perçues en fait par les jeunes japonais et japonaises comme des stars également de la pop, parce qu'elles chantaient, elles sortaient des albums et elles combattaient tous les week-ends. Elles ont vraiment dépassé, elles aussi, peut-être même avant que WWF fasse ses connexions avec le monde de la pop, elles ont dépassé en fait juste le statut de catcheuses. À l'époque, elles sont arrivées vraiment en tant que kikones véritables au Japon, au même titre que des Giant Baba, des Antonio Inoki, des Riki Dozan. Et elles ont lancé vraiment une génération de catcheuses totalement incroyable là-bas, avec des Aja Kong, des Manami Toyota. Elles ont réussi à mettre plus de 40 000 personnes en 94 au Tokyo Dome, ce qui est juste incroyable. Et elles ont inspiré, je pense, beaucoup de catcheuses aujourd'hui qui sont peut-être plus en lumière qu'elles sur un point de vue international. Mais elles ont été, je pense, très très importantes pour justement l'essor et l'image aussi qu'on se fait de la femme dans le catch. Est-ce qu'il y a des disparités entre le style de combat masculin et celui féminin? Est-ce que c'est plus dans les acrobaties J'ai envie de dire non. J'ai envie de pas vouloir dire il y a un catch féminin, ça se fait comme ça, le catch masculin. Non, il n'y a pas de genre. À une époque, c'était très genré. une époque, à l'époque, genre, oui, mais ouais, j'ai plus envie qu'on fasse ça. Non, mais il n'y a plus. Il n'y a plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve des filles qui sont bagarres au même titre que moi. Il y a des filles, on les voit, on leur dit ah putain, j'aimerais pas m'en prendre une d'elles parce que ça a l'air de pas blaguer, quoi. Moi, je pense, avec le style que j'ai, qui est assez bagarre, assez brut, en général, même mes amis qui n'aiment pas le catch, les premières réflexions qu'ils me faisaient, c'est mais vous n'êtes pas censé faire semblant dans le catch, parce que quand je te vois, j'ai pas l'impression que tu fais semblant. Ben, même moi, aujourd'hui, on parle d'une Meiko Satamura, par exemple, qui aujourd'hui est championne NXT UK. Elle arrive, elle met la pression, quoi. Juste par son regard. Je suis debout, quoi. Il y a des. Donc, non, aujourd'hui, il y a plus. Il y avait ça. Le hardcore, par exemple, a été pendant très longtemps une spécialité masculine. On voyait très peu de filles en faire. Sur les circuits indépendants, ça s'est vachement démocratisé. Ouais. Moi, je m'en rappelle qu'à mes débuts, quand je voyais Candice Leray, qui était l'une des premières à vraiment prendre très, très cher des coups de chaise de bonhomme, en plus, on voyait qu'ils y allaient franco, quoi. Et tout ça, ça a fait que ça a pas mal changé. Et aujourd'hui, non, il n'y a pas de style féminin, il n'y a pas de style masculin. On peut retrouver une fille qui fait de la bagarre. On peut retrouver une fille qui fait de l'acrobatie, on peut retrouver un mec qui fait de la bagarre, un mec qui fait de l'acrobatie. C'est vraiment le côté bien, c'est que n'importe qui peut se développer son style. On a des bases à apprendre qui sont ultra importantes parce que le catch c'est très codifié. Et une fois qu'on a ces bases, on peut y implémenter notre style à nous et nos envies. Et Delia, dernièrement on a même vu Ronda Rousey qui a rejoint l'univers du catch féminin et qui est quand même une sacrée badass aussi. Vous confirmez, il n'y a pas de style féminin, style masculin, non, c'est, non. On défonce la tête. Ah non, pas du tout. À partir du moment où il y a deux personnes sur le ring, voilà, on n'a pas. Chacun fait comme il veut, chacun choisit sa façon de faire, chacun choisit sa gimmick. Tant que voilà, on fait du catch ensemble en fait. C'est pas, y a pas du tout de style spécifique. Enfin moi, toutes les filles avec lesquelles j'ai catché ou avec les garçons d'ailleurs, puisque j'ai déjà catché contre des garçons, il y a voilà, c'est le catch, c'est du catch et personne n'est jugé ou n'est forcé de faire quoi que ce soit. Il y a vraiment aucun. En tout cas, pas maintenant, pas du tout. J'en ai jamais entendu. Évolution. On fait vraiment. On est vraiment pas. C'est vrai que moi, quand j'ai démarré, quand les filles arrivaient, souvent on leur disait ouais, tu ferais mieux de faire ça comme ça parce que ça fait plus féminin. Le fameux catfight, crêpage de chignon. Il y avait des promoteurs qui voulaient que les filles fassent ça en fait. Et à la WWE, c'était très codifié comme ça. Les batailles de polochon. Voilà, les batailles de polochon, les batailles dans la boue. À la WWE, les batailles de boue. Les bagarres en lingerie également. Évidemment, on avait à un moment, c'était fin des années 90, début des années 2000. Il fallait dessaper son adversaire. Vince McMahon obtenait une énorme popularité pour sa promotion parce qu'il envoyait certaines de ses lutteuses faire des séances de photoshoot avec Playboy. Il y avait une connexion entre Playboy et le monde de WWE. Et on s'est retrouvé à WrestleMania 20, il me semble, dans un combat qui était un combat Playboy, lingerie. On venait plus exhiber son corps et sa lingerie plutôt que véritablement se battre. Heureusement, j'ai envie de dire que on a évolué. Avec désormais des femmes. Et puis l'Undertaker en barésie, ça m'a. Ils l'ont pas fait. Ils ont mis d'autres catcheurs en barésie, mais l'Undertaker très peu. Mais non, aujourd'hui, la place de la femme dans le catch est bien plus importante. On a vu des femmes il y a 2 ans main eventer WrestleMania. On parlait de WrestleMania. Ronda Rousey justement a apporté un peu de cette aura et a donné le style un petit peu plus justement combattant, sportif à cette division féminine. Encore cette année, on a eu 2 femmes qui ont combattu dans le main event de WrestleMania 37 on en verra encore, même dans d'autres promotions aux États-Unis. Il y a All Elite Wrestling qui fait très attention aujourd'hui à sa division féminine. On a des stars qui explosent, on a des Britt Baker, on a des Charlotte Flair, on a des Sasha Banks. On est ravis d'avoir tout ce beau monde. Et comme je le dis encore, on a une catcheuse française qui, on l'espère, va grimper à la WWE. On lui souhaite que du bonheur. Ravage, là on parle vraiment des combats à proprement parler, mais autour de ces combats, il y a quelque chose qui est fondamental dans l'univers du catch, c'est la construction de son personnage. Exact. Les scénarios que l'on va écrire pour soi, tour à tour on va être le gentil, tour à tour on va être le méchant, mais il y a aussi son look, ses prises de parole. On sait que dans les centres de formation, on vous apprend à tomber, à porter des coups pour pas se casser la nuque en une fois, mais est-ce qu'on apprend à gérer la scénographie autour de son personnage ou c'est vraiment quelque chose d'inné qu'on doit construire tout seul? Il y a un peu des deux finalement en fait. Il y a très souvent. Je dirais. Pardon? quelque chose de plus en plus en fait. Il y a de plus en plus après quand même des centres qui vont aider justement à développer ces personnages, mais par exemple moi je me revois mes tout débuts, tout, enfin le début. Il y avait le plus souvent en fait on arrivait à un show, on avait les bases et on nous demandait c'était quoi le personnage etc, et le très souvent c'était en fait notre personnalité quoi en fait. Donc, oui, et au final c'est comme ce que disait Elmer tout à l'heure, c'est on arrive, on a nos bases et avec ces bases là on essaie de montrer un peu notre passionné, ce qu'on a envie de faire avec. Et donc, par exemple pour moi bah, je suis un très gros fan de pop culture et de comment ça s'appelle, de tout ce qui est univers manga, Pokémon, genre de choses, donc je serais très orienté en fait avec un personnage masqué un peu loufoque qui va capturer des Pokémon, genre de truc, et qui va en fait Brute à Libré. Ah, de la beauté. C'est un peu ça, ouais. Ah, mais, et puis, je vous assure que, bah, comme la frontière entre la pop culture et le catch est très fine, et ben, bah, moi. C'est des choses qui prennent, quoi. Moi qui suis promoteur, je l'ai déjà pris sur un show. Il est venu, il a jeté une Pokéball sur un catcheur et t'avais tout le public qui était debout en train de crier ravage, ravage. Ils étaient à fond dedans, quoi. Et donc, vous l'avez capturé, ce catcheur? Bah, oui, il est toujours dans la Pokéball. D'accord, ok. Et donc, non, mais oui, c'est ça, en fait. C'est, puis, le catch se professionnalise de plus en plus en France, donc de plus en plus bah, ceux qui nous forment. Moi je me rappelle qu'à mes débuts ceux qui nous formaient c'était des gens qui étaient très installés sur le circuit français et peut-être un peu connus à l'étranger, mais pas plus que ça. Aujourd'hui on a des gars qui sont réguliers à l'étranger, donc ils ont une autre façon d'aborder le truc. Je pense notamment à toute cette équipe là qui est régulièrement bookée à la VXV, qui est une très très grosse écurie en Allemagne qui est installée depuis plus de 30 ans. Ça bosse tout ça un peu comme à la WWE. C'est un centre de formation affilié WWE aujourd'hui. Donc voilà, donc eux ça ils bosse sont plutôt sur la théâtralité. On apprend de plus en plus aux élèves à savoir prendre un micro, à savoir et puis même les promoteurs, je pense que aujourd'hui, de plus en plus, moi je me rappelle qu'à une époque, c'était bon bah tiens, ton match c'est ça, allez démerde-toi. Et puis au fait, t'as une promo à faire demain après le match. Aujourd'hui, en général, quand j'arrive sur un show, si un promoteur veut que je fasse une promo, il vient me dire je veux que tu fasses une promo, j'aimerais que tu fasses ça, ça, ça et ça dans ta promo. Donc on est un peu plus guidé. Si le promoteur sait à peu près où il veut aller, en général, ça va un peu mieux, ça file un peu mieux. Aujourd'hui, on a ce côté un peu plus professionnel qui fait qu'on est un peu plus cadré. Le Rock qui se relève directement, le Rock Bottom. Oh, c'est contre eux. C'est super. Oh, c'était magnifique. L'électricité qu'il y a. Remarquez ce qu'on vient de voir. Attendez, c'est pas fini, Grégory, regardez-moi ça. Un ciseau de tête au passage, le Rock qui perd quasiment la connaissance, il sait plus où il est. Eddie Guerrero qui va essayer d'utiliser cette troisième corde. Oh, énorme. Il va le couper en deux. Ah, c'est énorme là, d'un coup l'intensité. Et maintenant il y va sur la troisième corde. On la prise que vous aimez tant. Le Frog Splash en préparation. Oh, il y a ici. Time to play the game. On vient d'entendre un combat de The Rock, Dwayne Johnson, parce qu'il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, trust le box-office, tout comme John Cena, etc. Mais en fait, ces acteurs extrêmement charismatiques, leur charisme, il s'est principalement créé sur le ring. Et c'est vrai qu'il y a énormément de parcours très intéressants dans le milieu des catcheurs. Jesse Ventura est devenu gouverneur de Californie. C'est le milieu du catch, c'est quand même le seul milieu dans lequel on a vu le président des États-Unis, Donald Trump, se battre avec Vince McMahon, un autre milliardaire, sur le ring. Il y a quand même quelque chose en termes de charisme chez les catcheurs qui est très différent des autres des autres spectacles. Bah, si on veut un peu résumer le catch, si vous voulez, vous avez un ring, vous avez une situation où vous pouvez combattre et vous avez une liberté scénaristique absolue, dans bien entendu la limite aussi du convenable. Donc, si on veut écrire que Vince McMahon, qui possède WWE, part en rivalité avec Donald Trump, et que Donald Trump, à un moment, s'énerve et lui met une beigne, ben on peut le faire, on peut l'écrire. Et je pense qu'il y avait plein de gens aux États-Unis à ce moment-là qui se disaient, tiens, si s'affrontaient, qu'est-ce que ça donnerait? Et je pense que c'est aussi quelque chose, en fait, qui est très propre à même l'univers de la pop culture, à l'univers peut-être aussi des comics. On a toujours eu cette réflexion quand on était môme à se dire, tiens, si Batman il affrontait Superman, oui, qui va gagner, fort, oui. Qui est le plus fort, oui. Et bien dans le catch, en fait, on arrive à donner vie à ça. Et en plus de ça, c'est un spectacle vivant, c'est-à-dire que vous avez des gens dans le public qui vont encourager, qui vont huer et qui vont faire vivre encore un peu plus les choses. Il y a que le catch pour faire ça. Il y a que le catch comme support. Mais en France, on aurait du mal à imaginer Emmanuel Macron en train de faire un German suplex à Cyril Hanouna. Et pourtant, ce serait très drôle. Mais ça serait très drôle. Mais... on peut toujours leur proposer. Ils peuvent toujours accepter, en effet. Mais on a vu aussi quelques petite célébrité celui qui a mis une claque à Macron, vous pensez que c'était un catcheur qui tentait un truc? Non, je connaissais pas. La claque était pas bonne. Non, scénaristiquement, il n'y avait pas suffisamment de recul. La promo d'avant était honnête. En effet, il y a peut-être certains catcheurs qui vont s'en inspirer et la ressortir sur les rings. Mais non. Scénaristiquement, c'était pas chouette. Mais pour autant, on a toujours, je sais pas, quand on regarde certains des plus gros clashs, même dans le monde du rap, on aurait aimé voir Booba, Caris, peut-être pas dans l'octogone, mais plutôt dans un ring de catch, où il y avait une grosse histoire à raconter, peut-être avec un peu moins de violence, plus de romance. Oui, oui. Avec quelque chose qui se finit bien, parce que des fois ça se finit bien aussi dans le catch. Oui, il y a peut-être ça aussi, de manière sous-jacente. C'est vrai, il y a peut-être. Et Delia, j'aimerais bien savoir quel est votre personnage quand vous montez sur le ring. Alors ça va dépendre. Donc moi principalement mon personnage c'est la méchante. Donc c'est vrai que ça reflète beaucoup ma personnalité, on va dire, parce que voilà, j'ai ce côté assez froide. Bon, je suis gentille, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas de mal à jouer ce personnage, on va dire. Et c'est plutôt quelque chose, voilà, de confortable pour moi. Donc ça a pas été compliqué de rentrer dans ce personnage-là. Après, j'ai aussi fait un personnage gentil. C'est vrai que quand je catch à l'étranger, j'ai aussi, voilà, c'est aussi une demande des promoteurs quelquefois. C'est aussi des fois eux qui choisissent s'ils veulent que tu sois gentille ou méchante. Donc c'est vrai que j'ai fait un petit peu des deux. Mais mon personnage principal, c'est la méchante. C'est la fille un petit peu voilà, qui se la pète, qui se prend pour la meilleure. Elle s'appelle comment Elle s'appelle Delia. Juste Delia. Juste y a Delia. Pas, y a pas, Si, Delias de billets, c'est mon surnom. Delias de tout ce que vous voulez. Delias de billets. Elle m'a mis déjà en plus des Delias de baf en plus. Delias de baf. Delias de baf. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. J'espère bien. Vous avez malmené Ravage? Oui. Oui. Pas perdu. Mais en fait, je pense que le mieux pour construire un personnage, je me rappelle que j'avais demandé ça à quelqu'un qui était un peu plus vieux que moi sur le circuit à l'époque, parce que je me cherchais encore, et c'était Tristan qui m'avait donné ce conseil, et c'est vrai qu'il était très bon. C'est pour être à l'aise avec un personnage, faut soit faire une exagération d'un des traits de caractère, ou aller complètement aux antipodes de ce que tu es dans la vie, parce que ça va t'être facile. Étant donné que tu sais comment t'es, faire complètement l'inverse de ce que t'as l'habitude de faire, c'est assez simple, t'as pas besoin de réfléchir pour le faire, et exagérer certains traits. D'ailleurs, mon personnage vient complètement de ça, c'est-à-dire que c'est marrant parce que c'est exactement comme ça quand dans les écoles du cirque on travaille son clown. Exactement la même règle. Son clown, c'est une exagération. C'est ce qu'il y a de plus simple à tenir. Et puis ça va devenir naturel. Je veux dire, moi, quand j'ai dit à ma famille que j'allais faire le méchant, ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit, mais arrête avec ta tête de nounours. Jamais tu seras crédible en tant que méchant. Et puis ils sont venus me voir une fois. Et puis. Et depuis, ils vous invitent plus. Ce serait bien que t'aies un gala quand même ce week-end parce qu'on fait un repas et on aimerait bien que tu sois pas là. Et ils ont vu. Non, mais après, oui, parce qu'ils se sont rendus compte que sur le terrain, sur le ring, je sais dévisager une personne. Je suis très intense dans mon regard. Et donc, du coup, j'ai beau m'appeler Elmer. Ça aussi, ils ont pas apprécié au début. Ils se sont dit, non, mais attends, personnage de Looney Tunes. Non, tu vas être ridicule, tu vas nous foutre la honte. Puis ils sont venus une fois, ils ont dit finalement, Elmer, le méchant, ça marche plutôt bien. Et aujourd'hui, j'ai leur soutien total, tout simplement parce que j'ai pris une partie de moi que j'ai exacerbée. C'était ma fierté d'être breton, parce que dans la famille, on a toujours été très très fiers de ça. Oui, un breton. Un breton. Un breton de Brest en plus, donc vraiment du fin fond du Conquet, qui est encore plus loin dans les côtes. Quand tu vas catcher en Normandie, c'est compliqué d'ailleurs. Tout à fait. Donc voilà, il y a ce côté-là, et puis je suis quelqu'un d'assez gentil dans la vie de tous les jours. En général, on me dit souvent même t'es peut-être même un peu trop gentil. Donc de faire le gros méchant, quelque part, c'est quelque chose qui m'exulte. Je prends beaucoup de plaisir à ça, je trouve ça très marrant. Mais je pourrais pas être comme ça dans la vie de tous les jours parce que je le vivrais très très mal. Et est-ce qu'on en vit justement là, on a parlé des gros superstars qui génèrent des millions, ok. Mais est-ce que vous en vivez du catch On n'a pas assez de travail à l'année. Et puis on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne dépend ni du ministère de la Culture, oui, ni du ministère des Sports, que tout le monde se rejette la balle. À la base, je crois qu'on avait un statut d'intermittent du spectacle, mais aujourd'hui même ceux qui catchent tous les week-ends, je pense pas qu'ils aient le nombre d'heures pour pouvoir enfin avoir le statut et en vivre. Oui. Il faudrait que je sais pas ce qu'il faudrait là. Après c'est de la politique. Moi j'ai pas les compétences pour truc, mais je pense que si on y mettait il y a tout l'entraînement, c'est-à-dire que ça fait partie aussi de notre vie de catcheur. On est tous des amateurs. On a pour la majorité, pour la totalité, peut-être à Paramal et Artemis qui sont sous contrat WWE. On a tous un travail à côté, mais on doit gérer notre alimentation, nos entraînements théoriques, nos entraînements de catch, nos entraînements de musculation. Le renforcement musculaire avec la salle, et donc voilà. Ça aussi c'est un abonnement à payer. Voilà, mais tout ça, ça rentre pas dans le calcul du nombre d'heures qu'on a passé. Hein. Ils vont compter les 2 heures qu'on a passé sur un show. Ils vont pas compter les 8 heures de route qu'on a eues, aller, 8 heures de route retour parce qu'on est à l'autre bout de la France. Enfin voilà, tout ça. C'est le moment de le dire, hein, parce que je sais que Roselyne Bachelot est une auditrice fidèle de Blockbuster. Elle n'arrête pas de m'envoyer des messages. C'est peut-être un peu gênant à force, ouais, non ouais. Franchement, l'émission Super Zerk, ça m'a déchiré. Enfin bref. Donc là, faut balancer. Hein. Aider le catch, Madame Bachelot. Vraiment, voilà, c'est aussi des intermittents du spectacle. Voilà, à la limite, pourquoi pas à Avignon. Ouais, j'ai envie de dire. Ça fait plusieurs fois que je vois des spectacles d'Olivier Py. Moi, je préfère le catch. Donc voilà, on va remplacer Olivier Py par un spectacle. Et alors, comment se passe la retraite? Parce que parce qu'en fait, c'est vrai, on a parlé de tout ça, mais il y a aussi l'addition physique. Il y a eu des accidents très graves. Il y a des gens qui sont morts sur le ring. Ouais. Pas tant que ça, mais il y en a eu quelques-uns, ouais. On pense à Owen Hart, Misawa, genre de personnes. Ouais, ouais, bah oui, forcément. Perroa Guayo Junior. Oui, voilà. Et ce qui s'est passé avec Rey Mysterio. Ouais, tout à fait, mais qui est vraiment un triste accident. Un triste accident, ouais. Mais je pense qu'il y a, après, le Mexique, c'est une terre particulière. Oui, c'est lors d'un match à Tijuana, ouais, c'est ça? C'est à Tijuana, en fait. Et Perroa Guayo Junior, de ce que j'ai vu, et il est ailleurs, en fait, au moment où Rey Mysterio arrive avec son dropkick, on voit qu'il est pas là, quoi. Ouais, et mais j'explique aux auditeurs, en fait, Rey Mysterio a donc donné a projeté ses pieds sur un de ses camarades, et en fait il a mal reçu le coup, il est parti dans les cordes, et en fait c'est la nuque, la glotte, ouais. La glotte qui a tapé, mais je sais pas, ouais. Et il est mort sur le coup. Il y a quand même eu pas mal de rapports comme quoi Perroa Guayo était déjà pas en excellent santé depuis déjà de nombreuses semaines, nombreux mois. Il faut savoir un truc, en fait, dans le catch, quand on est, on va dire, un indépendant, peut-être pas quelqu'un qui est sous contrat dans une énorme structure, on n'a pas peur, en fait, d'aller sur le ring en étant blessé, en étant peut-être pas au meilleur de nous, parce que nous, on est en effet peut-être sur la sécurité pour beaucoup, d'avoir un emploi à côté, ce genre de choses-là, mais ceux qui se donnent vraiment les moyens se disent dans leur carrière, à un moment, je peux pas être blessé. Je peux pas me blesser. Même si je suis blessé, il faut que j'y aille. Il faut que je prenne des antidouleurs. Il faut que je prenne des choses pour essayer de me soigner, pour essayer de me doper. Parce qu'on sait jamais si un jour j'ai un gros promoteur qui m'observe, qui me regarde, qui me donne un contrat, ma vie c'est peut-être gagné, quoi. D'où le scandale des stéroïdes avec la WWE. D'où un certain scandale, en effet, qu'il y avait eu au début des années 90. Mais le point était plus, en fait, sur tous ces catcheurs du circuit indépendant qui se sont donné les moyens chaque semaine de briller, peut-être pour des salaires assez dérisoires, et beaucoup en parlent, de faire des allers-retours à travers les États-Unis pour juste gagner $20 à la fin de la soirée. C'est des choses aussi qui ont par la suite payé, parce qu'au bout de 10 ans, pour certains même 15 ans, ils ont été recrutés. Ils ont été de ce fait pris en charge, ils ont été soignés, et aujourd'hui ils font partie des plus grosses stars de l'industrie. Donc en fait, c'est vraiment cette notion de sacrifice, et je pense que Perroa Guayo Junior, ce soir-là, c'était peut-être juste le sacrifice de trop. De trop. Rey Mysterio est absolument pas responsable de ce qui s'est passé. On peut peut-être critiquer l'arrivée comme, des secours. Comme dit Guts dans Berserk, justement, ouais. Et après tout, il est mort comme il a voulu vivre. Exactement. C'est un peu ça. Il y a beaucoup de catcheurs qui vont vous dire aujourd'hui, mon plus grand rêve, ce serait de mourir dans le ring. Et en effet, c'est toujours choquant, dérangeant, mais pour beaucoup... De toute façon, je sais qu'en ayant dit cette phrase-là, je vais recevoir 252 mails. Mais comment vous pouvez dire ça? Vous vous rendez compte? C'est un appel à l'aide. Enfin bref. Non, absolument pas. Mais je pense que ça fait partie un petit peu de l'univers dans lequel on vit et duquel on vient tous. On a parlé au début de l'émission de cette espèce de fraternité naturelle, du respect justement des valeurs sociales des uns et des autres, parce qu'on est tous unis en fait par ce code, les codes des vestiaires, les codes du catch. C'est un milieu où il n'y a pas de question de couleur, d'origine, etc. En fait, on se regarde tous avec une même passion, on parle tous la même langue. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à retenir. Et le catch, même si c'est pas un sport, c'est quand même incroyable de voir un public qui se bat jamais entre eux. Je sais qu'on parle beaucoup de foot en ce moment et que oui, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais j'ai jamais vu des gens se battre. Mais d'ailleurs, ça m'a toujours fait sourire quand j'entendais parler du chiquet dans le catch, en voyant des gens se tomber de 3 mètres sur une table ou de se prendre des escaliers en métal, alors que dans n'importe quel match, toutes les 5 minutes, t'en as un qui fait un roulé-boulé par terre, c'est juste ça. Parce qu'il y a eu un tacle à 3 mètres de lui. Et je me dis, oui, effectivement, c'est peut-être pas le chiquet, c'est peut-être pas sur le catch qu'il faudrait. Pas forcément, nous c'est assumé, on sait qu'on raconte une histoire, on sait qu'on est là pour divertir des gens, on sait que des personnes qui commentent le catch sont là pour également raconter l'histoire. Le catch, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un support pour raconter des histoires. Et ce qui est génial, c'est que c'est un support qui est proche de tous les milieux de la pop culture. J'aime bien aussi comparer ça au RPG, vous choisissez votre classe, vous choisissez vos compétences, vous évoluez, peut-être que vous allez step up, gagner en XP, prendre des niveaux et vous retrouver dans une ligue aux États-Unis, dans une ligue au Japon. C'est ça qui est un peu fou en fait, tout est modulable, tout peut être créé, tout peut être personnalisé. Et je pense que oui, les personnes qui sont autour de cette table et tous ceux qui nous écoutent également, qui pratiquent, mais également tous les fans de ça l'ont bien compris. C'est juste incroyable. C'est voilà, restons-en là. Le catch, c'est juste incroyable et c'est une belle histoire. C'est déjà la fin de cette émission consacrée aux superstars du catch. Elmer Le Guenec, Sturi, Delia, Ravage, merci. J'espère que cette émission va plaire aux femmes, mais surtout aussi aux gens qui ne connaîtraient pas ou qui avaient des préjugés sur le catch, parce que ça va bien au-delà de ce qu'on peut en dire. Merci à vous. Blockbuster est une émission réalisée par Céline Hila, alias la super prod de Nanterre. Elle a été préparée par Sarah Masson, alias la plume du Havre. Et aujourd'hui, Vincent Desilières, discret mais mortel à la technique. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Saisir le genou là où il se trouve, prendre l'argent où ce qu'elle est, voilà deux des principes sur lesquels un bon catcheur doit s'appuyer. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.